après avoir connu l'enfer, de vivre ma vie à l'envers et traverser 10 000 morts, enchaîné à mon mauvais sort. Me suis lancé dans l'inconnu comme un chiot jeté dans la rue, au beau milieu de l'heure de pointe. J'ai laissé monter ma complainte. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu?